nation. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Ça s'est fêté la semaine passée dans une auberge de mon comté. Ça s'est fêté la semaine passée dans une auberge de mon comté. Mais à la fin de la journée, j'étais pas mal réchauffé. Au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse, au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Mais à la fin de la journée, j'étais pas mal réchauffé. Mais à la fin de la journée, j'étais pas mal. Dimanche matin, ça fait l'affaire. On va frapper par en arrière. Au verse, à boire à mon gars. Une autre job, tu te chercheras. Verse, au verse, à boire à mon gars. Une autre job, tu te chercheras. Dimanche matin, ça fait l'affaire. On va frapper par en arrière. Dimanche matin, ça fait l'affaire. On va frapper par en arrière. On prend un coup pour se réchauffer. Et on finit par se saouler. Au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. On prend un coup pour se réchauffer, on finit par se saouler. On prend un coup pour se réchauffer, on finit par se saouler. Je suis aperçu, j'étais cassé, j'ai demandé pour emprunter. Au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. J'suis aperçu, j'étais cassé, j'ai demandé pour emprunter. Quand l'aubergiste s'aperçut de ça, il m'a sorti par un plumeau. Quand l'aubergiste s'aperçut de ça, il m'a sorti par un plumeau. Quand l'aubergiste s'aperçut de ça, il m'a sorti par un plumeau. Oh, je m'en vais à l'atelier, le boss m'a dit, tu peux me ficher. Au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Je m'en vais à l'atelier, le boss m'a dit, tu peux me ficher. Je m'en vais à l'atelier, le boss m'a dit, tu peux me ficher. Essaye pas de faire arrangement, t'es payé, pis fiche-moi le camp. Au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Essaye pas de faire arrangement, te t'es payé, puis fiche-moi le camp. Essaye pas de faire arrangement, te t'es payé, puis fiche-moi le camp. J'suis parti tout découragé pour m'en aller dans les chantiers. Au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. J'suis parti tout découragé pour m'en aller dans les chantiers. J'suis parti tout découragé pour m'en aller dans les chantiers. J'ai rencontré Titouan Buello qui prenait le train pour Wendigo. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. J'ai rencontré Titouan Buello qui prenait le train pour Wendigo. J'ai rencontré Titouan Buello qui prenait le train pour Wendigo. Avec notre bacton sur le dos, on avait l'air de vrais wombos. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Avec notre bacton sur le dos, on avait l'air de vrais wombos. Avec notre bacton sur le dos, on avait l'air de vrais wombos. On bûchera jusqu'au printemps afin de se faire un peu d'argent. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. On bûchera jusqu'au printemps afin de se faire un peu d'argent. On bûchera jusqu'au printemps afin de se faire un peu d'argent. Et au printemps, on descendra, toutes les auberges on visitera. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verse au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Et au printemps, on descendra, toutes les auberges on visitera. Et au printemps, on descendra, toutes les auberges on visitera. Au bout de trois jours, on sera cassé, et ça sera le temps de recommencer. Au verse, à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. verso, verse à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Puis verso, verse à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. Verso, verse à boire à mon gars, une autre job tu chercheras. De m'en sauver, sans peur d'aller trop loin ou d'avoir besoin de prendre la main, sans craindre les yeux tournés vers moi, prendre mon temps un jour à la fois. Il peut bien dire ce qu'il voudra, ce monde est si grand. Je crois que parmi les étoiles, la plus brillante sera à moi, et que le temps oublie lui-même d'arrêter. Je crois que vivre mon conte de fées est ma raison d'exister, et que la terre tourne par le souffle des anges. Sans remords, de métaphore en métaphore, en espérant mieux voir jusqu'au bout de l'imaginaire. L'auteur, compositrice, interprète et très sympathique, Céleste Lévy, qui nous offrait « Je crois ». Et elle a reçu son nouvel album, son deuxième album est terminé, reçu, prêt à être envoyé pour impression. Donc, ça devrait sortir cet automne. Je vous tiendrai au courant et bien entendu, on essaiera d'avoir une copie pour vous faire entendre les nouvelles chansons de Mme Céleste Lévy, native de Timmins en Ontario, qui reste, je crois, dans la région de l'Outaouais et qui fait toujours de l'excellente musique, très belle voix, très beau timbre de voix. Et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Donc, à suivre, et durement que j'aurai les nouvelles chansons, on va faire tourner ça avec grand plaisir. On est rendu au bloc instrumental et je vous ai programmé quelques musiques qui vont un peu avec la météo, c'est-à-dire la chaleur. On va écouter Los Gringos de leur album Vow of Silence. C'est tout simplement la pièce Summer Salsa, très très très bonne pièce qu'ils ont enregistrée sur cet album-là, bon, qui date quand même de 1998-99, je crois. Il n'y a pas de nouvel album en vue, mais Los Gringos tourne toujours dans les bars de jazz de la région, de la capitale nationale. Donc, c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants. Par la suite, on va entendre deux pièces de Chris and Crazy Brass, Christian Mallette de Gatineau, qui demeure maintenant à Montréal, qui est guitariste pour, entre autres, Marjo et bien d'autres artistes. La première pièce, ça s'appelle Spanish Intro, et par la suite, on va entendre Spanish Music. Et ces deux pièces-là viennent d'un petit CD que j'ai, qui était un projet de fin de session au Collège Saint-Laurent, il y a plusieurs années de ça, il devait produire un spectacle et un CD, et ces deux chansons-là et le thème de Canrock viennent de ce CD-là, Chris and the Crazy Brass. Donc, dans quelques instants, ça va être Spanish Intro, Spanish Music, mais juste avant, un groupe très bons musiciens, dirigé par Peter Baudouin, un groupe de la région de la capitale nationale d'Ottawa, Los Gringos, qui, comme je vous disais, tourne toujours dans les bars. Si vous allez dans la région d'Ottawa puis vous voyez les bars jazz, vous risquez de voir Los Gringos, qui vont nous faire tout simplement une pièce de leur album Vow of Silence, Summer Salsa. We'll be right back.